Chapitre 14e. André devinait bien pourquoi Olivier Giraud voulait quitter le logis. Elle était riche maintenant. Les susceptibilités farouches du jeune homme lui dictaient le parti qu'il prenait brusquement. Comme si une hésitation d'une minute eût été de trop. Il l'avait dit quelques heures même avant ce coup de fortune tombant comme un coup de foudre. Rien. Rien, pas même les prières d'André, ne pourraient modifier sa résolution. Elle n'eût pas vu, dans les yeux hagards d'ordinaire et inquiets de son père. Elle n'eût point rencontré sur le visage rajeuni, épanoui, frais comme une rose de mai de Geneviève, cette joie qui subitement les transfigurait l'un et l'autre. Qu'elle eût été tentée de maudire la volonté de l'oncle Ducret. Riche, oui, elle était riche, et bien, quoi, après, avait-elle besoin d'être riche? Émile Guillemard, en apprenant le dénouement de l'inventaire, avait pris gaiement la solution. En bon garçon. Après tout, il avait de l'argent à jeter à la volée. Quelques millions de plus ne l'engraisseraient pas beaucoup. Il était enchanté au bout du compte que ce pauvre Victor fût tiré d'affaire. Ah, par exemple, il fallait bien une bombe comme ça, un héritage tombant sur lui comme un aérolite, pour que Ribert tirât son épingle du jeu. Lui, tout seul, le pauvre homme, incapable de faire même bouillir son pot-au-feu bourgeois. Une seule chose chagrinait le coulissier. Geneviève lui échappait. Il était assez fin pour s'apercevoir que ses mots coulaient à l'oreille, ses petites offres de services glissaient tout bas, la fantasmagorie de ses millions qu'il faisait danser devant la jeune femme comme les verres d'une lanterne magique, commençait à troubler cette parisienne éprise de luxe et sevrée de tout ce qui était ses appétits et ses joies. Et elle lui plaisait, la cousine, à faire des folies pour elle. Tant pis pour Hibert, n'est-ce pas, si lui, Émile Guillemard, aimait Geneviève. Pourquoi les jolis yeux doux et la tête brune de Geneviève le taquinait-il ainsi, en lui donnant des idées insensées d'existence refaite, la soif d'un bonheur qu'il n'avait jamais connu? Jamais. Il n'avait pas eu le temps d'aimer, le malheureux, pas même d'aimer Louise, la mère de Raymonde. Et à 46 ans, comme la poussée tardive d'une fleur sous une chaleur d'orage, il se sentait mordu au cœur, pris de désirs fous. Cette Geneviève lui plaisait à le faire damner, si elle l'eût voulu. Il sentait bien que, millionnaire, il avait aux yeux de Geneviève pauvre un rayonnement particulier. La clé de son coffre ouvrait aussi la porte des paradis rêvés. Geneviève riche, adieu le prestige. Il n'était plus pour elle qu'un galantin déjà marqué, dont les madrigaux pouvaient la divertir par passe-temps. Mais il perdait brusquement sa puissance spéciale de tentateur. Oh, il n'était pas bête, Guillemard, ni vaniteux de sa personne. On ne joue pas les donjons avec des pattes d'oie aux yeux et une teinte de brique sur la peau du visage, tandis que toutes les rides du monde ne font rien lorsqu'on est le portier des Eldorado attendus. Ah, l'animal de Ducret qui me joue ce tour-là, maugréait le banquier. Elle se moquera bien du gros Guillemard à présent à la cousine Geneviève. Ce qui le consolait un peu, c'était la détermination soudaine d'Olivier Giraud. À la bonne heure. Le jeune homme s'était amendé. Émile allait enfin pouvoir se reposer sur quelqu'un de capable. Il pourrait aller aux eaux durant l'été, à la campagne en septembre, chasser, prendre l'air qui manquait à ses larges poumons emplis de la poussière de toutes les semelles traînées à la bourse. Il ne s'étonnait pas du tout au surplus, pas le moins du monde, du revirement d'idées d'Olivier. Il était probable que Victor Hibert, maintenant à son affaire, vendrait ou fermerait sa maison, et ce jeune Giraud entrait chez Guillemard pour ne pas être sur le pavé. Résultat tout simple. Raymonde, cette gentille linotte de Raymonde, était enchantée du dénouement. D'abord, André avait une dot, maintenant, et elle l'aimait beaucoup, André. Elle la trouvait un peu triste, un peu rêveuse. « Nuance sol pleureur, » disait-elle. Elle était d'un bourgeois, ah, d'un bourgeois. Pas dans le mouvement du tout, pas dans le train. Presque provinciale, André, mais jolie. « Mais bonne, mais intelligente. »« Ah, que je suis contente, » avait dit cousinette. « Vrai. Malgré sa beauté, tu sais, papa, avec les jeunes gens d'aujourd'hui, elle pouvait rester un pour-compte. »« Tu les connais donc, les jeunes gens d'aujourd'hui ?»« Je te crois. D'abord, il n'y en a qu'un. »« Toujours le même. Même conversation, même salut, même coiffure, même question au notaire. Dans les combien, mademoiselle une telle ?»« Oh, je suis ferré, bah !» Papa très ferré. Surtout, dans la situation nouvelle, il ne déplaisait aucunement à la jeune fille que ce monsieur Giraud, avec son air un peu sombre, qui lui semblait tout drôle, entra dans la maison de Guillemard. Olivier agaçait Raymonde comme un problème qu'on ne peut résoudre. Elle l'avait toujours connu chez Ribert et jamais, elle avait beau chercher, jamais ce monsieur Giraud ne lui avait adressé une parole aimable. Poli toujours, très correct, mais pas un sourire, pas un compliment, aucune de ces banalités qui ne coûtent rien et qui plaisent. Par exemple, il ne ressemblait guère aux autres jeunes gens de son âge, ce monsieur Olivier. Peut-être parce qu'il était pauvre. Cela ne faisait rien à Raymonde qu'il fût pauvre. Il y en avait assez des jeunes gens riches pour demander sa main, il y en avait trop. Ce qu'elle voulait, c'est que monsieur Olivier montrât qu'il faisait attention à elle. Elle n'était point de celles qui passent inaperçues, n'est-ce pas? On la lorgnait assez à l'opéra, au bois, aux courses. Drôle de garçon, ce monsieur Giraud, il ne la regardait même pas. « Et suis-je sotte, moi, avec mon monsieur Giraud ?» pensait Raymonde. « Qu'est-ce que ça me fait, monsieur Giraud ? Est-ce que ça compte dans ma vie, monsieur Giraud ?» Ça ne comptait pas, mais Raymonde était enchantée de le voir là, et se proposait même de l'ennuyer beaucoup, monsieur Olivier, s'il gardait avec elle cette attitude farouche de mal apprivoisé. Elle s'amuserait certainement à le railler sur sa sauvagerie quand elle aurait le temps. Elle n'avait pas le temps, du reste. Toute sa vie, occupée et préoccupée de mille petits riens, légers comme des flocons d'étoupe et voltigeant devant sa volonté comme sur son front les frisons d'or de ses cheveux, sa vie compliquée des mille soucis de la mode et du paraître, chapeau à essayer, couturière à visiter, bottines à corriger, partitions à déchiffrer, à juger en 2 minutes, à jeter au panier, articles mondains à lire, en courant, à grignoter dans tous les journaux, avec les menus des dîners priés, les noms des invités, les toilettes des femmes, le montant et l'excitant des descriptions savoureuses comme des sorbets, tout ce qui emplissait de bruit, de vent, de tapage, cette jolie tête de Parisienne emballée par le chic, se doublait maintenant d'une préoccupation particulière, l'hôtel de la rue d'Offémont à emplir de bibelots dans tous les coins, à tous les étages, à y étouffer. Depuis que Raymonde avait lu qu'il faut trop de meubles anciens et de japonaiserie dans un hôtel pour qu'il y en ait assez, elle trouvait vide, déplorablement vide, les pièces neuves, ce qui faisait dire à Émile Guillemard, sa perlotte, comment te les faut-il? On nourrirait un régiment pendant des mois avec la facture du tapissier. Ah oui, le tapissier, parlons-en. Le cousin Louis avait 100 fois raison. C'était des simili bibelots qu'il avait fournis. Des meubles copiés sur l'ancien, soit, mais modernes, modernes, effroyablement modernes. Ils doivent être plus solides, disait Guillemard. Solides? Qu'est-ce que cela fait qu'ils soient solides? Il faut qu'ils soient du temps, voilà. L'occasion s'offrait d'ailleurs, magnifique, unique peut-être, de transformer l'hôtel tout neuf de la rue d'Offémont en un musée de Cluny, qui tenta les descriptions de Saphir ou de Viviane dans leurs bloc-notes d'un mondain. Par le testament qui enrichissait à la fois Louis et Victor Ribert, l'oncle Ducret avait formellement exigé que sa collection fût vendue aux enchères publiques, après son décès, rapidement, pour que la vente eût lieu en bonne saison. Le commissaire-priseur était d'avis qu'en y mettant du zèle, on pouvait arriver à être prêt avant le grand prix. On cataloguait en hâte l'entassement des curiosités amassées. Les enchères auraient lieu dans la maison même de Ducret. L'immeuble appartenait à la succession. Le vieux brasseur d'affaires en occupait 2 étages et, sous la remise même, au fond de la cour, il avait fait autrefois apporter des bahuts, des lits renaissance, de vieux fauteuils, avec cette frénésie d'amassage des collectionneurs maniaques. C'est dans la cour même, décorée par Belloir, recouverte d'un plancher, transformée rapidement en vaste tente avec des banquettes et des sièges comme pour une distribution de prix, sous le vellum rayé de rose, que la vente allait avoir lieu. De grandes affiches jaunes couvraient les murs de Paris, annonçant la vente des meubles et objets d'art de M. S. D. Y., et on les y retrouvait collés aux 2 côtés du grand portail de la rue Caumartin. Cette vente devenait même, dans le désœuvrement de la saison finissante, la curiosité de Paris. La collection du vieux Ducret, dès longtemps célèbre, éveillait des gourmandises étonnantes dans tout ce monde et tous ces mondes où la fièvre du bibelot a passé comme une épidémie. Les journaux en parlaient beaucoup. Toute une chronique venait de paraître, dans une gazette boulevardière, avec la description des 2 étages où Sylvain enfouissait ses trouvailles, et la biographie, en peu de lignes, des héritiers de M. Ducret. Geneviève était enchantée. Elle souriait, On parlait d'elle maintenant dans le journal. Elle trouvait amusant qu'on imprimât qu'elle avait des yeux de velours et des cheveux de satin noir. Elle avait envie, pour s'amuser, d'envoyer sa carte au journaliste. Non, c'est impossible. « Moi, je le ferai », lui disait Raymonde. Et l'on se disputait, chez l'expert et le commissaire-priseur, les cartes d'entrée pour l'exposition privée, le catalogue. La vieille maison janséniste de la rue Comartin ressemblait à un hôtel du High Life un jour de kermesse mondaine. Les larges escaliers de pierre sentaient, comme des caresses, les froufrous de soie sur leurs marches froides, un peu usées. Sur cette rampe où l'oncle Ducret appuyait encore, naguère, en s'arrêtant à chaque pas, ses doigts osseux, ses mains de mort, de petites mains gantées se posaient comme des oiseaux sur une branche. La maison tout entière, les deux étages envahis, la cour d'entrée, l'entrée du portail, appartenait à une cohue triée, titrée, un ruissellement de curieux et de curieuses, lorgnant, lorgnés, se saluant, s'évitant, se coudoyant à travers les salles dans une promiscuité amusante et bizarre. Autour des meubles, marqués d'un numéro comme un bétail qu'on va vendre, le long des cabinets et des bahuts alignés contre les murs et protégés par un cordonnet de soie, toute une foule étrangement mêlée se poussait, le catalogue de la vente à la main. La vieille Mélie Brunet n'en revenait pas. Ah, si monsieur avait vu tout ce monde-là, et son appartement envahi, et cette bousculade, grand Dieu, et sa chambre pleine de gens. Les domestiques haussaient les épaules. Monsieur l'avait bien voulu, puisqu'il demandait que sa vente eût lieu dans la saison, et répétait toujours qu'elle ferait un joli tapage. Il y avait là les grandes dames authentiques, venant étudier la collection du vieil abat pour en cueillir au feu des enchères le dessus du panier. Leurs maris, les accompagnant, saluaient d'un coup de chapeau correct les amis titrés et d'un petit coup d'œil de côté, furtif, les amis anonymes, jolies filles élégantes, mêlées dans cette cohue d'une vente banale comme à une représentation à bénéfice, à la crème et au gratin de Paris. Des vieilles, aux teams gras de revendeuses à la toilette ou de maigres usurières crochues, se glissaient, flairant l'occasion à travers ces aristocraties étrangement disparates, celle de la race et celle de la joie. Elle passait, étudiant de l'œil, de la main parfois, les bibelots, les émaux cloisonnés, les bronzes de vieux Japon qu'elle voulait pousser, bousculant sans demander pardon, elles accouraient là pour affaire, ces comtesses, ces marquises qui venaient pour acheter, et ces petites comédiennes ou ces filles qui venaient pour vendre. Des reporters, dans les coins, prenaient en note, au crayon, les noms connus. Victor Hibert avait voulu, une dernière fois, revoir ce logis où maintenant il ne rentrerait plus. Il cherchait dans le tohu-bohu de la maison prise d'assaut, dans l'étouffement de ces salons où, de minute en minute, des voitures dégorgeaient des visiteurs nouveaux, il cherchait, dans le grand appartement autrefois silencieux, à retrouver la silhouette fantastique, le ricanement du vieux Ducret. Il l'avait calomnié. Ce vieillard bizarre qui, en dépit de son rictus narquois et de sa sécheresse, lorsque lui, Victor, venait le voir, songeait à son avenir et songeait à Louis, puisqu'il avait fait ses 9 heures riches. Si, maintenant, Victor était heureux, si heureux, à n'y pas croire, sauvé, c'était pourtant à ce mort qu'il le devait. Et, à la place où il avait vu la dernière fois Sylvain Ducret, il cherchait à le retrouver. Il fouillait du regard les meubles, les bahuts, les dressoirs, pour y reconnaître le fauteuil à oreillettes où, pareil à un squelette, se tenait Ducret d'habitude. Victor éprouvait même un poignant serrement de cœur à voir l'envahissement de ses chambres, où le vieillard avait râlé, par cette cohue d'indifférents, de curieux, où, ça et là, on entendait, avec des railleries sur certains bibelots, sur les tableaux encore accrochés, des propos échangés sur le procès de la veille, la nouvelle du matin, la première du soir, la dernière première de la saison, une représentation extraordinaire. Ces bavardages, prenant leur volée dans une chambre mortuaire, ces plaisanteries, ces mots, ces racontars avec leur antithèse funèbre, sautaient à la gorge de Ribert comme une poussière trop épaisse. C'était la vie sans pitié, la vie qui n'a pas le temps de s'attarder, roulant autour de ces meubles qu'elle allait emporter. Et avec la maculature de leurs étiquettes, les bahuts d'ébène luisants, les cabinets d'écailles, les coffrets mauresques aux incrustations de nacre fine comme des guipures, les faïences persanes aux tons vigoureux et gais, les chenets de fer forgé, les landiers fouillés comme des gardes d'épée, les lustres de cuivre, les amphores hindous, d'un verre de feuilles lavées par la pluie, les grès, les émaux, les ivoires, tous ces objets disparates rangés là, sur les étagères et les tables, tous les meubles offerts, mis à l'étal, semblaient comme attristés de cette tristesse morne qu'ont les choses. Ce qui frappait Ribert, c'était, çà et là, comme le sceau même de la mort, ces stigmates de cire molle, ces cachets de scellés à peine levés, qui faisaient, sur tout ce luxe, l'effet d'une blessure, donnaient à ces objets d'art ou de prix une sorte de mélancolie funèbre, si bien que cette visite du High Life au logis de Ducray, ce défilé de claires toilettes d'été et de visages souriants, dans la lumière multicolore des vitraux, étiquetés aussi sur les fenêtres, ressemblait à une sorte de courtille élégante et macabre, comme ces visites qu'on fait au cimetière, en manteau de renard bleu, les jours officiels de la fête des morts. Ribert en sentait à présent toute la tristesse. Il avait voulu voir, il avait vu. C'était assez. D'ailleurs, il l'étouffait. Il gagna la cour avec peine par l'escalier noir de monde où l'on montait, se pressait, se poussait. Dans la cour, les tapissiers achevaient de dresser les montants de bois blanc. La vente aurait lieu le lundi, après l'exposition publique du lendemain, dimanche. Et les coups de marteau tombaient, alertes, vaillants, aussi gais qu'une chanson de travailleurs au milieu de ce défilé mortuaire. Comme il était là, Ribert, immobile et regardant, une petite voix l'appela. « Eh bien, cousin, vous ne montez pas ?» C'était Raymond, suivi de Miss Maud, raide comme un horse guard. Guillemard les avait amenés dans sa voiture, mais il ne voulait pas descendre. Trop de monde. Une apoplexie possible. Merci. « Non, dit Victor, j'en ai assez vu. C'est triste, au fond, comme un enterrement. »« Je ne trouve pas, » fit Raymond. « Il y a tout Paris, tout Paris. C'est amusant. Monsieur Lacoste, Alice Servier. C'est vrai tout de même qu'elle me ressemble, Alice Servier. Seulement elle doit se teindre les cheveux. Je parie qu'elle est brune. Demandez donc ça à Rodillon. Elle doit être aussi brune que Geneviève. À deux pas de sa voiture, près du passage du Havre. Moi, je veux simplement voir si mes amours sont toujours là-haut. » Sa jolie figure devint plus rieuse encore en voyant l'air étonné de Victor. « Mes amours ?» C'est le joli cabinet espagnol, vous savez, écaille-feu, avec de petites colonnettes fines, fines, et des cuivres qui sont des orfèvreries. Je le veux pour ma chambre, je donnerai mes yeux pour l'avoir. Ce serait un peu cher, dit Ribert, souriant. Il se rappelait bien ce cabinet. C'était celui que regardait avec une joie passionnée l'orgueil du collectionneur, du fond de son grand fauteuil Louis XIV, le vieux Ducray déjà mourant, et qui servait de piédestal à l'Ecce Homo de l'église de Tarragone. D'ailleurs, je ne me contenterai pas de ça. Je veux ruiner, papa. Je veux tout acheter, tout. C'est immense, le petit hôtel de la rue d'Offémont. Toute la collection Ducray y tiendra, et les visiteurs ouvriront des yeux, des bouches, et papa fera un nez. Au revoir, cousin. La petite Raymonde et Miss Barker étaient déjà perdues dans la foule. Victor alla, cherchant dans la longue file des voitures le coupé de Guillemard et apercevant à la portière les favoris roux du banquier penchés sur les journaux qu'il étudiait, il s'approcha, la main tendue. « Les imbéciles, crois-tu » dit alors Émile en montrant les équipages alignés dont les gourmettes, les morts, les fouets haut dressés étincelaient dans le soleil. Et sur le trottoir, tous ces gens allant comme à l'assaut vers la maison de Ducray, quelques-uns s'éventant avec le catalogue. On croirait à une noce. Mais c'est qu'ils se battent pour des bibelots comme s'il s'agissait de souscrire à un emprunt. Il fait recette, feu Ducray. Ma parole, on dirait une émission. Seulement, mon cher Émile, et Victor souriait, un bibelot, après tout, cela représente toujours quelque chose, tandis que le papier. N'en dis pas de mal, répondit Guillemard gaiement. Si on vendait au poids tout ce qu'on a émis depuis 2 ans et qui ne vaut rien, on en aurait encore pour une jolie somme. De quoi faire des rentes à un honnête homme. Il est vrai que ça en fait encore davantage à des malins. Tu as bien besoin d'en avoir de ces papiers. Ta fille veut tout acheter. Raymond veut te ruiner. Ce fut Guillemard qui, à son tour, se mit à rire. Ce serait difficile, dit le banquier. Tu vois la maison Ducray? Il y a assez d'argent dans la caisse du fils de papa pour acheter tout ça. Et les bibelots qui sont dedans. Et les femmes qui les regardent. Et les hommes qui lorgnent les femmes. Tous, tous. Et Victor Ribert, pour la première fois, entendit sans stupéfaction et sans colère, satisfait, apaisé, cet éloge brutal de l'argent qui donne tout ce qui s'achète dans un siècle où tout se vend.